Salut, bonsoir. C'est parti. Salut Jeanne, salut Antoine. Bonjour. Salut, ça va? Salut Emma. Mais ouais, ça va au max, au top, on est bien. Au max. On est au max, on est au café, on est après le... Attends, je vais couper le son de l'ordi parce que je m'entends en décalé, c'est très désagréable. Qu'est-ce que j'allais dire un truc, c'est l'heure de la turbo sieste. C'est l'heure des... D'accord. C'est déjà l'heure de la turbo sieste, oui. On sort de table. On sort de table. On a bien mangé. Bonne digestion à tous. Ah, une dédicace vient d'arriver. Génial. Oh. Eh bien, est-ce qu'on fait d'abord la turbo sieste, ouais, histoire d'avoir le cerveau reposé sieste. Pour la oui, dédicace. C'est ça, oui. Merci. Oui.